فاسق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc inshallah nous continuons sur le devoir, l'obligation de s'affilier et de suivre la voie, la méthodologie de As-Salaf As-Salih, des pieux prédécesseurs. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ce grand imam et ce grand savant de l'Islam, qui a vécu 7e et 8e siècle de l'Égypte, rahimahullah, né en 661 de l'Égypte dans la ville de Harran, est mort, c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Harrani, est mort en 728 de l'Égypte à Damas. Alayhi rahmatullah, ce qui fait à peu près 12e, 13e siècle du calendrier grégorien. Ce grand savant qu'on appelle Cheikh l'Islam, parce que c'est un des plus grands imams qui connut la communauté musulmane, alayhi rahmatullah, un homme sur lequel certains savants ont dit plus jamais aucune femme ne mettra au monde un semblable à cet homme, alayhi rahmatullah, il dit « Wala aiba ala man azhara mazhab al-salaf wa intasaba ilayhi wa atazza ilayhi bel yajibu qaboulu thalika minhu bil istifaq li anna mazhab al-salaf la yakunu illa haqqa » Donc on ne peut faire aucun reproche ni blâme à celui qui s'apparente, qui s'affilie ouvertement à la voie, la méthodologie, le chemin des pieux prédécesseurs, et qui en est fier de cette affiliation. Il est même une obligation, un devoir d'accepter cela de lui, et là-dessus, il y a consensus, car la voie, la méthodologie des pieux prédécesseurs ne peut être que la vérité. Le grand savant, le Cheikh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, ce grand savant, cet imam d'Ahl-Sunnah, qui est encore vivant, qu'Allah le préserve et le protège, et lui donne une longue vie dans son obéissance, qui est un grand savant saoudien de la ville de Riyad, hafizahullah, il dit « Inna al-jama'a salafiyya hiya allati ala al-haq » وهي التي يجب الانتماء والعمل والانتساب إليها وما عداها من التجمعات يجب ألا تعتبر من جماعات الدعوة لأن لفظة السلف تطلق ابتداء على الصحابة والتابعين وأتباعهم il dit que le groupe qui suit les pieux prédécesseurs, qui suivent la voie des pieux prédécesseurs, c'est eux qui sont sur la vérité. Et c'est cette affiliation qui est un devoir, une obligation pour tous d'agir ainsi. En dehors de ce groupe de la vérité qui est Salafiyya, tous les autres groupements, il faut s'en éloigner et ne pas les considérer comme des groupes du prêche. Il entend par là le véritable prêche, le prêche sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiallahu anhum. Car ce terme, ce mot as-salaf, en premier lieu, il est voulu par ce mot les compagnons, leurs successeurs, les tabi'in et ceux qui ont suivi les tabi'in. Le grand savant, l'imam, le grand muhaddith, le cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, alayhi rahmatullah, ce grand imam qui est né en l'an 1334 de l'Égypte et qui est décédé en l'an 1420 de l'Égypte, alayhi rahmatullah, aux environs, il est né en 1910-1914 et qui est mort en 1999, alayhi rahmatullah, le samedi 2 octobre 1999, rahmatullah ta'ala, ce grand homme, ce grand savant d'origine albanaise, il était d'Albanie, il est venu enfant avec sa famille, ils ont fait le hijra, ils ont quitté l'Albanie lorsqu'elle est devenue communiste pour habiter dans la ville de Damas, cette ville qui est dans des terres qui sont bénies. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wa salam, il a parlé en bien des mérites de la terre de Hacham. Et à l'intérieur, il y a cette grande ville qui est la ville de Dimashq, la ville de Damas. Et à la fin de sa vie, il a terminé sa vie en Jordanie, à Amman, alayhi rahmatullah, comme a dit de lui le grand savant, l'imam, Cheikh al-Islam, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, alayhi rahmatullah, qui ne connaît pas sous ce ciel qui est au-dessus de notre tête un savant dans le domaine, un plus grand savant dans le domaine du hadith, si ce n'est Cheikh al-Albani. Et lorsqu'il fut questionné quel est le revivificateur al-Mujaddid de ce siècle, il dit c'est Cheikh al-Albani, alayhi rahmatullah jami'an. Ce grand savant, le Cheikh al-Albani, alayhi rahmatullah, il dit al-salaf al-salih يشمل القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث المتفق على صحته، بل الذي وصل مبلغ التواتر بكثرة طرقه في الصحيحين وغيرهما عن جمع كثير من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية هم المقصودون بالسلف الصالح. Il dit عليه رحمة الله, les pieux prédicateurs concernent les trois générations. Le terme قرون est un pluriel du terme قرن. Il est voulu par ce terme-là le siècle. Un siècle, on dit un qarn, et plusieurs siècles, qurun. Et il est voulu par ce mot-ci, la génération. Ici, c'est la génération qui est voulue. Donc, ce sont les trois premières générations. Ceux qui ont reçu le témoignage du prophète, alayhi salatu wa salam, qu'ils sont dans le bien. Dans le hadith, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un hadith qui atteint le degré de mutawatir, c'est-à-dire que beaucoup, un très grand nombre, l'ont rapporté, qu'on retrouve dans les deux authentiques de Bukhari Muslim et dans d'autres recueils du hadith, d'après un grand nombre de compagnons que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, les meilleures personnes sont ceux de ma génération, puis la génération qui vient après, puis la génération qui vient après. Celle-ci. Donc ce sont les trois générations dont le prophète alayhi salatu wa salam a témoigné qu'ils étaient dans le bien. Et c'est eux qui sont voulus par le terme as-salafu as-salih, les pieux prédécesseurs. Et c'est un terme qui est connu, qui était employé par les ulama depuis les premières époques. L'imam al-Bukhari rahimahullah dit dans son authentique: قال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحول من الجمال لأنه أجرى بالسير. Donc en parlant d'un choix qu'avaient les compagnons, les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs chez les chameaux, les dromadaires, il dit les salaf, Rashid ibn Sa'd, c'est le Bukhari, rapporte d'après Rashid ibn Sa'd que les salafs, les pieux prédécesseurs, aimaient une certaine catégorie de dromadaires. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن المبارك كان يقول على رؤوس الأشهاد دعوا عمرو ابن ثابت فإنه كان يسب السلف يعني الصحابة. Et dans le Sahih de Muslim, l'imam Muslim rahimahullah rapporte, d'après l'imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, qui dit cette phrase, il l'a dit ouvertement devant un grand nombre de personnes, délaissez, éloignez-vous de Amr ibn Thabit, car il insultait les salaf, il voulait par là, par le terme salaf, les compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum. وبوب البخاري في صحيحه et الإمام البخاري رحمه الله il a même donné comme titre un chapitre de tout l'authentique de son Sahih. Les titres qu'il y a dans Sahih al-Bukhari, c'est lui-même, l'imam al-Bukhari, qui les a mis. Ça n'a pas été mis par quelqu'un qui est venu après. Ça, c'est le cas de Sahih Muslim. L'imam Muslim, rahimahullah, il a compilé son Sahih, il a rangé son Sahih, mais il n'a pas mis de titres, de chapitres. Et celui qui a mis les titres de chapitres qui sont connus aujourd'hui dans Sahih Muslim, c'est l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans son commentaire. Amma al-Bukhari, alayhi rahmatullah, c'est lui-même qui a mis les titres, et même les ulama, rahimahumullah, ont dit que on retrouve le fiqh, la compréhension, la science de l'imam al-Bukhari, alayhi rahmatullah, dans le titre, les titres qu'il a mis dans son sahih. Donc l'imam al-Bukhari, alayhi rahmatullah, il a mis comme titre dans son authentique « Bab ma kanat salatu yaddakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'ami wal-lahm » Chapitre, ce que les salaf gardaient, mettaient de côté dans leur demeure et lors de leur voyage comme nourriture et viande. Certaines personnes essayent de séparer deux termes qu'on retrouve dans le manhaj de Salaf, c'est al-aqida ou al-manhaj. En faisant croire qu'on peut avoir une bonne aqida, mais on peut suivre la méthodologie ou la voie d'un autre groupe que celui des pieux prédécesseurs. Bien sûr, c'est une prétention qui est fausse. Le grand cheikh, le grand savant de Médine, الشيخ عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري حفظه الله تعالى الله لتخزير il dit العقيدة pour nous expliquer ces termes qu'il convient à chacun de connaître et de comprendre la signification des mots employés العقيدة تقرير الاعتقاد الصحيح بما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك مما جاء في كتاب الله تعالى وفي صحيح السنة من الإيمان بالغيب ماضيا ومستقبلا. Donc il explique que العقيدة c'est l'exposé du dogme, du credo authentique qui concerne la foi en Allah, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier, au destin bon et mauvais. Est-ce que tout ce qui s'ensuit, qu'on retrouve dans le livre d'Allah, il soit-il, et dans l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, comme foi dans le domaine de l'invisible, dans le domaine de l'inconnu, que ce soit dans le temps passé ou le temps futur à venir. Puis, plus tard, un peu plus loin, je veux dire, il dit « Amma al-manhaj » et concernant le mot « manhaj »« Fahuwa lughatan al-tariq wal-maqsoudu bihi fil-istilah al-shar'i huwa al-tariq al-ladhi aqarrara bihi ahkamu Allah ta'ala » في العبادة والمعاملة وكل ما يكون شرعا تفاده الكتاب الكريم والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que المنهج dans la langue arabe, littéralement, il est voulu par ce mot la voie, le chemin. Et ce qui est voulu par ce mot dans le sens technique, c'est-à-dire le sens religieux, c'est la voie, le chemin avec lequel on va connaître les lois d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration, dans le relationnel et tout ce qui est demandé religieusement qu'on retrouve dans le Coran et dans la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Wa bihaza yu'lam anna ad-din 'aqida wa manhaj. Et de là, on comprend très bien que la religion comporte le dogme et le manhaj, la voie et la méthodologie. La yanfakku ahaduhuma 'an al-akhar. L'un ne peut aller sans l'autre. L'un ne peut être séparé de l'autre. فَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَخْطَأَ. Celui qui viendrait à séparer, diviser entre les deux, se sera trompé. Puis, on a cette parole du grand savant, le Cheikh Al-Albani, عليه رحمة الله, qui dit لَا يَفْتَرِقَانَ. Ils ne se séparent pas, on ne peut les séparer. Al-Aqida ou Al-Manhaj. Puis il dit, alayhi rahmatullah, « Wa la yumkin an yakuna ar-rajulu salafiyyan ikhwaniyyan. » Et ce n'est pas possible qu'une personne, elle soit d'un côté salafi et de l'autre ikhwani. Lakin, se yakunu salafiyyan fi ba'd, ikhwaniyyan fi ba'd. Donc on va se retrouver face à une personne qui est salafi dans des domaines et qui est ikhwani, suiveur, adepte de la secte des frères musulmans, de l'autre. Alors, ikhwani un tibar, salafi un tibar. Ikhwani dans des domaines et salafi dans d'autres. Amma an yakuna salafiyan ala ma kana alayhi al-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa hada amrun mustahil. Celui qui reste ainsi, c'est-à-dire que il choisit la vie dans des domaines, il croit dans d'autres, alors celui-là, il ne pourra jamais être un salafi, c'est-à-dire un suiveur convenable de ce sur quoi était le prophète, alayhi salatu wa salam. Ça, c'est une chose qui est impossible à atteindre, si ce n'est que d'être salafi complètement. Qala al-Sheikh al-Fawzan, hafizahu Allah ta'ala, المنهج أعم من العقيدة. المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم. كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى دي المنهج لأقوال ميثودولوجي. C'est un terme qui est plus global, plus général que le terme « aqida ». Le terme « al-manhaj » concerne l'aqida, le dogme, concerne les mœurs, le comportement, concerne les domaines de relationnel, concerne toute situation de la vie du musulman. Donc, à chaque fois qu'il y a une voie entreprise dans un domaine quel qu'il soit, c'est ce qu'on appelle un manhaj. Amma al-aqida fayuradu biha aslul iman. Alors que le terme aqida, il est voulu par là, par ce terme-là, la base même de la foi. Wa ma'na ash-shahadatayn wa muqtadahuma hadhihi hiya al-aqida. Et le sens des deux attestations de foi et ce qu'elles impliquent, voilà ce qui est voulu par le terme al-aqida. Puis, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit plus loin. Al-manhaj, il kana sahihan, fara sahibuhu min ahli al-jannah. Fa'idha kana ala manhaj al-rasul, sallallahu alayhi wa sallam, wa manhaj al-salaf al-salih, yasiru min ahli al-jannah bi'idhnillah. Wa'idha fara ala manhaj al-dullal, فهو متوعد بالنار صحة المنهج من عدمها يترتب عليها جنة أو نار. الشيخ الفوزان حافظ الله دي المنهج la voie à suivre, la méthodologie à entreprendre, si elle est authentique, alors son adepte, son suiveur, si Allah le permet, il sera promis au paradis. Donc, s'il est sur la voie, la méthodologie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la voie des pieux prédécesseurs, il sera du nombre des gens du paradis par la permission d'Allah. Mais si il est sur le manhaj, la voie, la méthodologie des égarés, égareurs, alors il sera sous la menace du feu de l'enfer. Donc, le manhaj, s'il est bon ou s'il n'est pas bon, il en découle au final l'entrée au paradis ou en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et le Cheikh Al-Allam Al-Albani, alayhi rahmatullah, il nous dit, pour nous expliquer une des grandes raisons pour laquelle les salafis se donnent ce nom pour distinguer des sept égarés. Il dit, alayhi rahmatullah, inna at-tawa'if mahma kanat qariba min al-kitab was-sunnah aw ba'ida walakin bi fadli Allah 'azza wa jalla la ahad yastati' an yaqul ana 'ala manhaj as-salaf illa alladhina fi'lan yatabannawna manhaj as-salaf da'watan wa minhajan wa suluka. Toutes les sectes les tordent, qu'elles soient proches ou lointaines du livre de la Sunna. Aucun d'entre eux ne peut prétendre réellement être sur le même hedge des pieux prédécesseurs complètement. Sauf ceux qui se reconnaissent dans ce même hedge des pieux prédécesseurs, qu'ils le sont, que ce soit dans leur prêche, dans leur voie entreprise et dans leur comportement. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah dit: فلا تجد خلفيا لا سيما المنتسبون الى الجماعات الدعويه الحديثه الا وهو يكره الانتساب الى السلفيه. Tu ne trouveras pas un khalafi, c'est-à-dire ceux qui suivent les sept égarés, surtout ceux qui se reconnaissent dans les groupes et les sectes et les tendances égarées contemporaines. Tu trouveras ces gens-là détester l'affiliation et l'appartenance à la salafia. Mais anna salafia laysat mujarrad nisba. Car la salafia ne s'arrête pas seulement au terme, à une appartenance seulement par prétention. Dal al-salafiyya tajridu al-ikhlas lillah wa tajridu al-mutaba'ati lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais la salafiyya, c'est une sincérité totale, pure à Allah tabaraka wa ta'ala dans tous les actes et les paroles. Et c'est aussi un suivi total et pur du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire que ce suivi qui est donné au prophète sallam n'est donné à aucun homme en dehors de lui, alayhi salatu wa salam. Et lorsque Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, a été questionné, pourquoi vous ne connaissez pas cette terminologie ou cette affiliation à salafia? C'est-à-dire, comme on l'entend par-ci par-là, certains le dire, pourquoi vous ne dites pas seulement musulman? Et même de nos jours, hein, vous voyez des gens, mais ils ont plusieurs méthodes, les gens du faux, qu'ils soient dans le faux lointain ou proche de la sunna, mais au final c'est le faux. Car l'égarement est de plusieurs degrés. Alors vous en avez qui viennent dire, il y a un khilaf, il y a une divergence. Il y a des gens qui sont habitués à ce mot-là. Ils ont appris ce mot-là et ils l'emploient dans toutes les choses. À chaque fois que tu vas parler d'un domaine, ils vont te dire derrière, il y a un khilaf. Comme si Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a demandé de l'adorer avec le khilaf, avec les divergences. Non! S'il y a un khilaf, on se doit de chercher. Elle est où la vérité? Si on diverge, on doit chercher. Elle est où la vérité? Et les sources de la religion, ils sont là face à nous. Le Coran et la sunna authentique du prophète, alayhi salatu wa salam. Mais c'est un leurre que ces gens emploient pour égarer les gens. Ça les dérange d'entendre quelqu'un être fier de s'affilier correctement. Je parle de celui qui s'affilie réellement, véritablement, et non pas mensongèrement, à la salafia. Ce n'est pas la personne qui se sert de ce terme pour se comporter comme les sectaires se comportent. Non, une véritable affiliation à la salafia, comme nous l'enseignent les ulama de la sunna, rahimahumullah, wa hafidhallahu al-ahya, minhum. Hein? Tu les vois, ça ne les dérange pas d'entendre le groupe des frères musulmans. Jama'at al-Tablir, Jama'at al-Hizb al-Tahrir, Jama'at ceci et cela, ça ne les dérange pas. Et même lorsque des gens s'affilient à des madhhab, et là c'est un domaine fiqhi, et là c'est une autre question, mais ils disent Maliki, Hanafi, Shafi'i, Hanbali, ça ne les dérange pas. Mais le mot salafi, ça les dérange. Allahu al-Musta'an. Rachid Abu Hudayfa est un type d'exemple. Auparavant, il disait ni salafi, ni ikhwani, ni tabliri. Il mélange, il ne sait même pas faire la distinction entre les gens du vrai et les gens du faux. Et il dit, je ne suis affilié à aucun. Aujourd'hui, il dit, je suis maliki. Subhanallah. C'est bien pour montrer que les gens du faux, ils sont contradictoires. Subhanallah. Ils ne sont pas. Il y a un manque de sincérité dans leurs agissements. C'est clair qu'elles dérangent. Et certains même, ils vont faire autre chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre ce mot pour montrer à des gens qu'ils s'y affilient. Mais c'était un mensonge. C'est seulement un leurre pour dérouter les gens de la vérité. Les gens qui se font même hedge du droit chemin. Pour faire du mal de l'intérieur. Car ça ne suffit pas de le faire de l'extérieur, mais il faut aussi le faire de l'intérieur. Et c'est de là qu'on fait face parfois à des infiltrés qui entrent à l'intérieur de la salafia pour y nuire, comme l'ont fait les hypocrites auparavant, parmi les gens qui se convertissaient à l'islam, pour nuire à l'islam depuis l'intérieur. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, rien ne lui échappe. Et tôt ou tard, ces gens-là sont dévoilés et Allah mettra en tout temps des hommes qui défendront la vérité. Walhamdulillah. Donc, Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, lorsqu'il fut questionné, il dit « In khari'u antum min al-intisab lil-hizb al-fulani wal-hizb al-fulani wa khari'u min al-intisab lil-madhhab al-fulani hina'idhin naqul nahnu muslimun. Commencez par vous-même. Toutes les sectes, les tendances. Enlevez toutes ces affiliations et toutes ces appartenances. Enlevez-les complètement. Ne gardez comme mot que le mot islam. Lorsqu'il n'y aura que l'islam authentique, il n'y aura plus ces sectes-là, alors là, il n'y aura pas de mal de se contenter que du mot musulman, islam, soumis à Allah, Azza wa Jal. Alors, délaissez l'appartenance, être à telle partie ou telle partie, à tel madhhab ou tel madhhab. أما هذه الأسامي تمثل تفرقا في الأمة فكرا وواقعيا وتعصبا مذهبيا. Alors que ces noms auxquels vous montrez votre appartenance, auxquels vous montrez votre affiliation, elles représentent une scission, une division dans la communauté, que ce soit d'un point de vue idéologique, que ce soit d'un attachement aveugle, d'un madhhab ou autre. فما علينا نحن إذا كنا نجمع الانتساب هذه كلها في لفظة واحدة لا يستطيع أحد من أولئك الذين كان عالما بالحق أن يبالي أن دعوة السلف هي دعوة الحق. Toutes ces appartenances, et nous, nous réunissons les gens à la véritable appartenance, dans un seul terme, un seul mot, qui réunit cette explication, qui veut dire sur le Coran et la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, on résume toute cette phrase en disant, dans ce terme-là, qui est salafia, et toute personne qui connaît la vérité, ne pourra jamais s'en prendre ou faire quelconque réprimande à cette affiliation-là, parce que c'est le prêche de la vérité. وَنَحْنُ نَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et nous avons pour preuve et comme argument la parole d'Allah, élevé soit-il, dans le sens du verset, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que la guidée lui soit montrée, et ne suit pas la voie, le chemin des croyants, nous le ferons détourner comme il s'est détourné, et nous le jetterons dans la géhenne, dans le feu de l'enfer, et quelle mauvaise demeure. Et ça, c'est un verset qu'il faut beaucoup méditer et qui comporte beaucoup d'enseignements, surtout sur le sujet dans lequel on est en train d'aborder. Quiconque fait scission, qui contredit, qui ne suit pas ce que nous enseigne le prophète alayhi salatu wassalam, après que la guidée lui soit dévoilée, lui soit clarifiée, lui soit montrée. Et là aussi, c'est une preuve, un argument dans ce verset coranique que les gens sont excusables lorsqu'ils ne savent pas. Al-Udr bil-Jahl, que ça c'est un argument qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda » C'est-à-dire que celui qui est sous la menace, c'est celui qui fait fiche à ses messagers après que la guidée lui soit montrée. Après qu'on lui ait ramené les preuves, après qu'on lui ait clarifié, qu'on lui a montré, avant cela, il en ignorait, donc il est excusable pour son ignorance. Et qui ne suit pas la voie, le chemin des croyants. Qui sont les croyants au moment de la révélation? Au moment de la descente du verset, ce sont les compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Une preuve de l'obligation d'être sur leur voie et leur chemin, d'être avec les compagnons, radiallahu ta'ala, anhum. Une des grandes erreurs des Khawarij qui les a amenés à leur perte, c'est qu'ils ont voulu l'indépendance. Ils n'ont pas voulu suivre la compréhension des textes tels qu'avaient les compagnons, radiallahu ta'ala, anhum. Ils ont dit et ils ont prétendu qu'ils étaient capables de prendre directement le Coran et de le comprendre eux-mêmes sans revenir à la compréhension des compagnons radiallahu ta'ala anhum, et voilà où cela les a amenés. Qu'Allah nous préserve de tout égarement et de tout mal. Donc, il faut retenir de là que la leçon à retenir, ce n'est pas seulement de s'affilier à la salafia, pas seulement une prétention, combien peuvent prétendre, mais dans la croyance, dans les actes, dans les paroles, dans l'adoration, dans le prêche, dans le comportement, dans le relationnel, on va voir, tu seras mis à l'épreuve, est-ce que tu es affilié au pieux prédécesseur et que tu es sur la même compréhension qu'eux et la même application et pratique qu'eux qui nous ont laissé en héritage alayhim rahmatullahi ta'ala. Inch'Allah, on va se contenter de cela. Et bismillah ta'ala, dans un autre cours, nous continuerons ce domaine. très important et bénéfique pour moi ainsi que pour vous. Wa barakallahu fikum wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pour ceux qui voudraient savoir cette compilation de paroles, la source a été prise d'un ouvrage très bénéfique d'un cheikh qui s'appelle Abu Mu'adh Hassan al-Iraqi, hafizahullah ta'ala, un cheikh d'Irak connu par les mashayikh et surtout les mashayikh de Médine, et un livre qu'il a compilé et écrit, qui a été revu, et qu'il a été conseillé de être publié par Cheikh Hubayb, hafizahullah ta'ala, qui s'appelle Al-Fawa'id al-Aqadiyya wal-Qawa'id al-Manhajiyya. المستنبطة من تأصيلات أصول السنة للإمام أحمد السلفية. C'est-à-dire les leçons bénéfiques dans le domaine du dogme et les règles dans le domaine du manhaj qui ressort et qu'on retrouve dans les fondements de la sunna de l'imam Ahmed rahimahullah, qui sont des fondements qui sont dans le suivi de Salaf al-Salih et puis les prédécesseurs sont dans un seul site. Et dedans, il y a beaucoup chers, ils ramènent beaucoup les paroles des grands savants anciens et contemporains. Et j'ai choisi certaines paroles de ces savants, comme vous venez de l'entendre. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.